vous pose ça ici, ça vous dérange pas? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus encore aussi nombreux à ce séminaire sur l'islamophobie en France. Donc, aujourd'hui, on va entamer un nouveau cycle, un nouveau thème du séminaire. Donc, le thème précédent portait sur la construction et la circulation des représentations européennes de l'islam et des musulmans. Donc, on avait interrogé trois périodes historiques sans forcément avoir fait le lien entre elles, mais c'était venu dans la discussion. Donc, à partir de cette séance et les deux prochaines, donc on va traiter une autre thématique qui est celle de l'islamophobie et les discours scientifiques. Donc, quel rôle peuvent avoir joué ou peuvent encore jouer les discours scientifiques dans la construction de représentations, de discours sur l'islam et les musulmans. Et donc, on a trois invités. Alors, je commence par ceux de la fin avant de présenter Carole Reynaud-Paligaud. Donc on va avoir une intervention d'Olivier Lecourt Grandmaison le 1er février qui va porter sur immigration et islam, représentation et stigmatisation. Donc il va en gros traiter de la manière dont les spécialistes de l'immigration entre les années 20 et les années 50 traitent de la question de la religion musulmane. De cette immigration essentiellement entre guillemets nord-africaine. On va voir la présence aussi de Julien Bauger, donc qui va traiter plus de la période contemporaine et de la manière dont les travaux scientifiques contemporains traitent de la question de la signification du port du hijab. Donc c'est tout le titre, la science du voile. Donc, mais avant que ces deux séances, donc on a le plaisir d'inviter et d'accueillir Carole Reynaud-Paligaud, qui est historienne et qui enseigne à l'Université de New York à Paris et qui va intervenir sur la question du déterminisme racial ou religieux, donc anthropologue, islamologue et représentation des indigènes musulmans colonisés. Donc jusqu'à présent, on ne s'est pas trop attardé vraiment sur la période coloniale, comme vous avez pu le constater. Donc on est ravis d'accueillir Carole. Et donc je vous signale la publication récente, donc c'est octobre 2011, de son dernier livre, donc De l'identité nationale, Science, race et politique en Europe et aux États-Unis, 19e-20e siècle. Je le ferai passer. Et donc c'est le dernier opus d'une longue réflexion qu'elle a menée depuis le doctorat, au moins, sur l'anthropologie raciale. Donc, elle a déjà publié La République raciale, opus, c'était en 2006, qui traitait de cette dimension de la discipline anthropologique qui était assez peu connue. Et dans ce dernier livre, De l'identité nationale s'intéresse à la manière dont s'est construit une sorte d'international racialiste, comment la circulation des thématiques racialistes dans le monde occidental, globalement. Donc, une rapide présentation, et c'est à toi la parole. Merci. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est le résultat à la fois de recherches passées que j'ai menées, donc, non pas dans le cadre de ce livre, mais dans le cadre des deux précédents livres, dont La République raciale, que vient d'évoquer Abdelali, et de recherches en cours que je suis en train de mener, donc qui ne sont pas très abouties encore, qui sont simplement des pistes de réflexion, mais je crois que ça sera particulièrement intéressant d'en discuter avec vous, les spécialistes de ces questions. Alors, je vais partir de cette science des races que j'ai pris comme objet d'étude depuis maintenant une dizaine d'années, et en me focalisant donc plus particulièrement aujourd'hui sur les débats en cours, les applications, les usages en terre coloniale, et notamment donc dans cette zone dans cette zone de l'Empire colonial français, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique, toute cette zone qui est touchée donc par la religion musulmane. Donc ce que j'appelle, j'ai défini un corpus que j'appelle raciologues, les raciologues. En fait, leur véritable nom, c'était ils se nommaient eux-mêmes anthropologistes, et le nom de la science qui est devenue officielle donc, dans les années 1850 en France, mais pas seulement en France, mais dans tout l'espace occidental, dans toute l'Europe jusqu'aux États-Unis, et même avec des ramifications plus lointaines au Japon, au Brésil et dans les colonies. Donc cette anthropologie avait pour objectif d'appréhender la diversité humaine en termes de race à l'aide de ce concept qui a émergé donc dans les milieux naturalistes à la fin du 18e, ce concept de race qui s'est voulu un concept scientifique. Et l'objectif était, à travers des outils et des méthodes qui se voulaient scientifiques, donc d'arriver à déterminer des races humaines, de classer cette diversité physique et culturelle. Et en même temps, donc, ce que j'explique dans mes deux précédents livres, c'est qu'ils ont produit une vision extrêmement hiérarchisante et inégalitaire, et que par leur science, ils ont légitimé, sinon créé, mais au moins légitimé, des visions qu'on qualifierait aujourd'hui de racistes. Alors, comment les anthropologues se sont penchés sur cette zone donc, de l'Empire colonial français, et notamment sur l'Afrique? Donc, ils sont partis d'une démarche qui se voulait scientifique. Il s'agissait dans ce territoire particulier de faire progresser l'entreprise de classification, donc d'arriver à déterminer scientifiquement les différentes races qui occupaient ces territoires. Mais en même temps, il y a eu une volonté aussi de se mettre au service de l'entreprise coloniale et de se constituer en experts, d'apporter leur expertise en vue d'établir une colonisation scientifique et rationnelle, en vue d'aider à l'établissement de cette colonisation. Alors, quand les recherches qu'ils ont entreprises, pour la plupart, donc dans les années 1850, 60, 80, la plupart se sont soit basées sur des récits qui existaient déjà, soit sont partis sur le terrain réaliser des mesures anthropométriques, puisque la base de cette science des races, c'était l'anthropométrie, c'était à travers la mesure des corps et le cubage des crânes qu'on devait pouvoir classer ces races. Et donc notamment le terrain algérien a été l'objet d'une très grande investigation et d'un grand débat scientifique sur l'opposition entre la race arabe et la race berbère. Donc ils n'ont pas créé ce mythe berbère qui est présent dès la conquête de l'Algérie, mais ils ont contribué à le nourrir et à le consolider donc à travers leur approche qui se voulait scientifique. Donc ils entreprennent des mensurations anthropométriques pour déterminer donc ces deux races, les distinguer donc à travers des différences physiques, mais aussi en construisant deux types particuliers, non seulement physiques, mais aussi avec des caractéristiques propres, culturelles, psychologiques, des aptitudes particulières. Et ça, c'est donc une des caractéristiques et un des fondements de cette science des races, c'est qu'elle ne s'est pas limitée à la détermination physique des caractères, mais la notion d'hérédité a été appliquée à l'ensemble de ce qu'ils appelaient les caractères intellectuels, moraux, psychologiques. C'est-à-dire que chaque race avait des caractères physiques particuliers, mais aussi des aptitudes, des particularités psychologiques, intellectuelles particulières qui se transmettaient grâce à ce qu'on commençait à sentir autour de la notion d'hérédité, même si à l'époque elle était assez mal connu, puisqu'on est dans une période antérieure aux découvertes de Mendel et des gènes. Alors, bon, les résultats de ces recherches, c'est qu'on voit apparaître les deux types, donc la race arabe, qui a une physionomie particulière, mais finalement, ils ne vont pas aller très loin dans le physique arabe, parce que là, très vite, ils vont s'apercevoir qu'ils sont incapables de distinguer physiquement l'arabe du berbère. Et donc, finalement, c'est plutôt les caractères intellectuels et moraux qui vont être mis en avant. Donc, l'arabe est présenté comme un pasteur, un nomade qui vit sous la tente. C'est une race qui est assez souvent qualifiée d'aristocratique. L'arabe est un guerrier courageux, dominateur, mais aussi orgueilleux, fanatique, contemplatif et... Il ne fait pas preuve d'une grande ardeur au travail, il est qualifié de fainéant. On constate qu'il n'a pas d'industrie, qu'il n'est pas très porté vers l'agriculture non plus. Et finalement, la conclusion de ces anthropologues, c'est que c'est une race anticolonisatrice, disent-ils, réfractaire à la civilisation et à la colonisation. Et ils présentent la figure inversée de cette race arabe, c'est... la race berbère, donc sédentaire, qui vit dans une véritable maison, qui cultive ses champs, donc c'est l'agriculteur type, ou le commerçant, ou l'artisan. En tous les cas, il aime le travail, il travaille avec ardeur, il est prévoyant, il a bon caractère. Et on oppose les deux physionomies, donc une physionomie avenante, ouverte, mobile pour le berbère, et... une physionomie impassible, un regard oblique, une attitude plutôt figée du côté de l'arabe. Voilà, donc finalement, le berbère, c'est celui qui est attaché à sa terre, à son clocher. Certains font des parallèles avec la race auvergnate en France. On met en avant aussi ces institutions locales démocratiques, un sentiment, et on lui attribue un sentiment égalitaire. Voilà, et tout ça, c'est... Ça, c'est pas seulement des traits culturels, ça s'enracine hein, dans l'hérédité, donc il y a une vision essentialiste derrière tout ça. On parle du génie propre de chaque race. Alors finalement, la politique coloniale à mener, disent-ils, eh bien, elle s'impose. Il faut délaisser l'arabe et s'appuyer sur le berbère. Il faut soutenir, protéger, développer ce berbère qui est victime de l'invasion et de la domination arabe. On met en parallèle les origines européennes de ces, soi-disant européennes de ces populations berbères. Il y a, disent-ils, du sang européen chez le berbère, alors que l'arabe, lui, vient d'Orient. Et il appartient donc à une race tout à fait différente, beaucoup plus réfractaire à la civilisation et, finalement, à l'assimilation. Voilà, donc voilà ce qu'on peut lire dans un manuel d'anthropologie donc de Paul Topinard, un manuel qui a été vraiment un livre qui a fondé la science, qui a été traduit à l'étranger, réédité. Donc le verdict est sans appel. Je le cite, je le répète avec une conviction absolue. L'arabe est une race qui a fait son temps. Il a tenu sa place dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Il a rendu des services. Il en rend encore à quelques civilisations très inférieures. Des civilisations nègres inférieures de l'Afrique centrale, mais au contact des civilisations européennes, il est mortellement frappé, c'est écrit. Alors que le berbère est présenté comme une race qui a connu un arrêt dans son développement, et la colonisation française va permettre de poursuivre ce développement stoppé par la domination arabe, et de mettre en valeur ses qualités inhérentes à la race. Voilà, alors les investigations anthropométriques se poursuivent, on est dans les années 1860, 70, 80, mais à la fin des années 1880, le résultat est assez maigre, assez décevant et même assez perturbant parce que on n'arrive pas à distinguer morphologiquement, anthropométriquement l'arabe du berbère. Et finalement, on conclut que ces races se sont mélangées, mariées entre elles pendant plusieurs générations, et que maintenant, on n'arrive plus à les identifier. Mais ce constat ne remet pas en cause le portrait qui a été dressé auparavant, puisque finalement, même s'il se mélange, disent-ils, le cerveau arabe ne perd pas ses idées et ses spécificités en se berbérisant. Encore une citation du même Topitar. Le nomade, à quelques races qu'il appartienne, conserve un stock d'idées et de tendances à part qui sont un danger permanent pour notre civilisation et notre domination. Bon, voilà. Alors, ces visions un peu caricaturales, elles ont quand même connu une assez grande postérité. Dans les milieux politiques, le mythe berbère a quand même assez bien fonctionné. Bon, parfois il est un petit peu adouci, il est un petit peu remis en cause. Disons que les conclusions les plus radicales sont un petit peu remises en cause. Mais je pense qu'on peut dire qu'il continue à fonctionner assez bien. Et quand Jules Ferry va commencer à penser créer des écoles en Algérie, il va choisir la Kabylie en disant que les Kabyles sont une race plus apte à recevoir l'enseignement, plus facilement civilisable. Donc on retrouve ce même type de conclusion. Alors il y a une assez importante investigation de ces anthropologues en Afrique du Nord. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je peux en citer quelques-uns, comme Ernest Chantre, qui s'investit beaucoup. Alors l'objectif, c'est toujours de déterminer quelles sont les races contemporaines qui occupent ces régions, mais aussi de comprendre le passé, l'histoire du peuplement, d'où viennent ces populations, à quel moment elles sont arrivées, etc. Il y a un anthropologue assez intéressant à ce niveau-là qui s'appelle Louis Berthollon, donc qui est né en 1854 et est mort en 1914. Au départ, il est médecin, mais il est polyglotte et il s'investit dans des recherches à la fois anthropométriques, archéologiques, historiques aussi, et il cherche à expliquer le peuplement de la Tunisie. D'où viennent ces populations actuelles. Et en 1893, il fonde l'Institut de Carthage, qui s'accompagne de la fondation d'une revue, la Revue Tunisienne. C'est aussi le fondateur de la section tunisienne de la Ligue de l'Enseignement. Et il est, à mon avis, intéressant parce qu'il fait des recherches donc importantes sur des crânes qu'il trouve dans des nécropoles. Donc il examine 300 crânes dans une nécropole du 4e siècle et il présente les résultats. Donc il va expliquer d'où vient cette population et en tirer aussi des enseignements d'ordre politique en vue de coloniser la région. Alors de cette étude, donc, il déduit que la population est restée identique à elle-même sur plusieurs siècles, même depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 19e siècle, dit-il. Alors cette population, comment se caractérise-t-elle? Eh bien, ce n'est pas une population phénicienne, dit-il. Et il détermine la race qui est présente au sud de l'Europe, qui se caractérise par une tête allongée, dolicocéphale, et une taille plutôt moyenne, bon, un nez large, une orbite basse, enfin bon, il y a des descriptions assez précises. Et ce qu'il met en avant, c'est que cette race, elle est présente dans tout l'espace méditerranéen, donc c'est pour lui la race fondatrice des grandes civilisations méditerranéennes, de la civilisation égéenne. C'est l'ancêtre donc de la civilisation hellénique, celle qui a fondé la civilisation hellénique, qui elle-même est présentée comme la mère de la civilisation latine et qui a abouti donc à la civilisation française, qui est donc le long cheminement et l'aboutissement de cette merveilleuse histoire des civilisations méditerranéennes. Et alors il présente la conquête arabe comme une catastrophe pour cette brillante race méditerranéenne, puisque elle a apporté Elle a posé des traditions culturelles complètement différentes, et notamment la pire de toutes, c'est le nomadisme. Elle a apporté une religion aussi complètement contraire aux valeurs de cette race méditerranéenne. Et finalement, il en est résulté une dégénérescence complète, une déchéance et un arrêt de développement dans cette brillante histoire de la civilisation méditerranéenne. Cette région qui était jadis, dit-il, la région agricole la première du monde, s'est transformée en un désert, en une famine qui aboutit à la famine et à la pauvreté. Voilà. Bon, heureusement, dit-il, la colonisation française a stoppé cette déchéance, et elle est en train donc de réengager ce grand processus civilisationnel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces milieux-là, pas seulement chez les anthropologues, mais chez les intellectuels présents dans cette région, le concept de race latine va prendre une importance toute particulière, alors que en métropole, en Europe, enfin en France, il n'est pas tellement mis en avant, et on valorise plus, à mon sens, les origines celtiques de la population française, c'est-à-dire gauloise. Là, la notion de race latine prend un caractère intéressant parce qu'elle s'appuie sur le passé, c'est ce que vient de dire Bertolon, cette race méditerranéenne qui a apporté la civilisation égéenne, hellénique et française. Et c'est aussi la race qui a de l'avenir, puisque maintenant la colonisation apporte sur le territoire des colons français, mais aussi des colons espagnols, des colons italiens, des colons maltais, qui appartiennent à cette même race ancestrale. Et donc l'histoire se poursuit. Voilà, donc pour un aperçu des recherches anthropométriques qui sont menées dans cette région et des implications donc politiques, il y a un deuxième concept qui est très important, et qui va prendre une importance particulière dans l'entre-deux-guerres, c'est la notion de psychologie ethnique. C'est-à-dire que ces recherches anthropométriques, elles continuent à être pratiquées, mais elles n'aboutissent pas toujours à ce qu'on avait espéré. Et en revanche, se développe toute une série d'études donc sur la psychologie particulière des populations. Alors c'est pas un phénomène spécifique à l'Afrique et à l'Afrique du Nord, c'est toute une profusion d'études qui concernent aussi les populations européennes. Ça, j'en parle dans mon ouvrage, s'intitule « Race, racisme et antiracisme ». Toute l'élite intellectuelle des années 30, enfin pas toute, une grande partie de l'élite s'est penchée sur cette psychologie propre à chaque peuple européen. Donc on voit publier des livres au titre « L'âme anglaise »,« Psychologie des Allemands »,« Psychologie du peuple français », ou avec donc les plus grands noms comme par exemple Alfred Fouillet, qui va beaucoup s'adonner à ce genre d'études. Et puis toute une série d'universitaires français. Donc on n'est pas très loin, me semble-t-il, du paradigme racial, parce que si on pense, on parle peut-être moins de race et un peu plus de population, de peuple, on ne pratique plus l'anthropométrie, ce n'est pas l'objectif, mais par contre on est toujours dans une vision très essentialiste, où chaque peuple a des caractères, des aptitudes, une psychologie particulière qui se transmet de génération en génération et qui s'enracine dans le sang, dans cette notion d'hérédité biologique. Alors, cette psychologie ethnique, elle trouve un terrain très très fécond en terre coloniale, sous l'impulsion notamment de Georges Hardy, qui est un personnage assez central, mais assez oublié. Bon, Georges Hardy est agrégé d'histoire, il est docteur ès lettres, et il va être chargé d'organiser l'enseignement en Afrique occidentale française et au Maroc. donc dans les années 1910-1920. Puis il finira directeur d'école coloniale et recteur d'Alger et de Lille. Et donc c'est à la fois un administrateur colonial, mais aussi un intellectuel qui entend développer ses études de psychologie ethnique, qui lui-même s'y adonne assez longuement, et qui tente d'impulser tout ça au sein de l'école coloniale. Donc on trouve notamment aux archives d'Aix-en-Provence de gros cartons remplis de mémoires d'étudiants de l'école coloniale chargés donc dans leur mémoire de dresser le portrait du Marocain, du Tunisien, de l'Algérien, de l'Arabe, du Berbère, d'étudier ou même des communautés un peu plus étroites, toujours avec cette démarche d'étudier une psychologie particulière, des aptitudes particulières, des caractères. Hardy va lui-même donc dresser une psychologie du Marocain. Il écrit un petit ouvrage sur la psychologie du Marocain, dont le portrait est extrêmement... Oui, c'est une étude sur l'âme marocaine. Donc, voilà. Le portrait est assez dévalorisant. On met en avant la cupidité, la vanité, une certaine intelligence, mais concrète, au sein de laquelle la mémoire domine, mais peu d'aptitude au raisonnement, à l'invention, l'impuissance à fournir un effort soutenu, une grande passivité, etc. Bon, et c'est des thématiques qu'on retrouve assez présentes, donc des portraits très dévalorisants, des populations africaines en général et plus particulièrement des populations du sud du Sahara. Voilà, et l'objectif donc d'Hardy qui impulse ses études, c'est qu'il faut mieux connaître la psychologie de chaque population pour pouvoir mieux les administrer et mettre en œuvre une politique coloniale plus efficace. Donc Georges Hardy n'est pas un personnage marginal, hein, je l'ai présenté tout à l'heure, puisqu'il a eu des responsabilité dans le domaine de la mise en place de la politique scolaire. C'est quelqu'un qui est très proche de Henri Baire, donc de la revue de synthèse historique, donc des milieux intellectuels des années 30. On le voit aussi assez proche de l'historien Lucien Febvre, qui va lui confier notamment un volume au sein de l'Encyclopédie française. Voilà, donc ce type d'analyse est reconnu, validé par... les plus grands intellectuels de l'époque. Bon, on pourrait... Il y a un autre personnage emblématique aussi sur cette thématique de la psychologie ethnique, c'est Augustin Bernard, qui lui aussi s'adonne à ce genre d'études et dresse notamment des portraits de l'âme berbère du même style que celui d'Hardy. Et Augustin Bernard n'est pas un personnage marginal, puisqu'il est titulaire de la chaire de géographie de l'Afrique du Nord à la Sorbonne. Et il est présent dans un... Lui aussi est agrégé d'histoire. Il est présent dans de très nombreux lieux d'enseignement, comme l'école coloniale, l'école des hautes études commerciales, Sciences Po. Il enseigne à Sciences Po. Il fait partie de très nombreuses sociétés savantes et il va aussi avoir des responsabilités d'ordre politique puisqu'il est secrétaire de la commission interministérielle des affaires musulmanes, cette première commission qui émerge en 1907, je crois, qui est créée en 1907 avec pour but de définir une politique musulmane, une véritable politique musulmane, alors qu'avant, pense-t-on, on a fait qu'improviser des politiques. Voilà. Donc Augustin Bernard, je vous passe le détail, c'est du même type que Georges Hardy, c'est les instincts les plus profonds de l'âme berbère qu'il décrit, donc toujours ce même type de raisonnement. Voilà, alors il y a un autre corpus qui, à mon avis aussi, serait intéressant d'analyser, dont j'ai commencé l'étude qu'il faudrait poursuivre, c'est ce qu'on peut appeler les islamologues. c'est-à-dire des... assez souvent, ce sont même ils appartiennent au monde colonial, des administrateurs coloniaux qui vont s'adonner à des études sur des populations musulmanes particulières, avec toujours la même idée, mieux connaître pour mieux administrer. Donc parmi ces gens, on peut en citer quelques-uns comme Robert Arnault, Xavier Coppolani, Paul Marty, mais aussi des administrateurs comme Jules Brévier, qui vont prendre comme objet d'étude donc ces populations musulmanes et qui vont publier soit des articles, soit des ouvrages, parfois même des véritables manuels qui vont être diffusés au sein des administrateurs coloniaux pour les aider à comprendre la mentalité musulmane et donc à mieux gérer leur, administrer leur population. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces écrits ? La première idée, c'est que l'idée est plutôt positive au départ, c'est-à-dire que l'islam est présenté comme un progrès par rapport à l'animisme. Donc, c'est particulièrement vrai pour l'Afrique au sud du Sahara. Voilà, l'islam est porteur d'une civilisation qui est jugée supérieure. Donc là, on a toujours une approche raciale, puisqu'on oppose, on présente la supériorité des populations dites blanches, donc les Touaregs, les Maures ou les populations d'Afrique du Nord, qui sont présentées comme supérieures à leurs voisins noirs. Donc notamment en AOF, hein, la vision est assez positive puisque c'est considéré comme un progrès par rapport à l'animisme. Alors on voit par exemple qu'il y a un spécialiste des civilisations de l'AOF qui est Maurice Delafosse, qui va beaucoup s'intéresser à l'islam, au rôle de l'islam au sein de ces populations. Donc il publie des articles... par exemple l'état actuel de l'islam, le clergé musulman, les confréries musulmanes, et il explique que bon, c'est un administrateur colonial, hein, donc ce n'est pas seulement une démarche savante, c'est aussi toujours une démarche qui se veut utile à l'administration coloniale. Il explique qu'il n'y a pas de raison d'être islamophobe et qu'il ne faut pas non plus céder à une islamophilie trop forte. Alors pour lui, donc, l'islam est un progrès, c'est notamment un rempart contre l'alcoolisme. C'est aussi une religion qui a su mettre fin au sacrifice humain qui était pratiqué par les populations animistes. C'est une religion qui a aussi des côtés positifs, en ce sens que cette instruction... l'enseignement au sein donc de ces populations noires, dit-il, même s'il est rudimentaire, a quand même contribué à développer des aptitudes intellectuelles de ces populations, leur a ouvert l'esprit, les a, dit-il, préparés à concevoir et à formuler un plus grand nombre d'abstractions. Finalement à comprendre, à s'assimiler des idées qui étaient étrangères aux non-musulmans auparavant. Donc il constate que leurs langues sont plus développées. Il parle des populations de l'AOF et il compare celles qui ont été islamisées et celles qui sont restées animistes. Et celles qui ont été islamisées, donc leurs langues sont plus développées, le vocabulaire est enrichi de termes abstraits. Voilà, donc en résumé, une influence plutôt heureuse, mais dit-il tout de même assez superficielle. L'islam n'a pas pénétré en profondeur. Et si lui-même, dit-il, a une préférence pour ces populations qui ont été, ces populations qui sont musulmanes, il ne faut pas trop les mettre en avant parce que les plus nombreuses sont finalement les animistes. Et donc, il faut ne pas trop jouer la carte des musulmans contre les animistes. Il est même aussi assez surpris de voir que ces populations noires ont été en capacité de comprendre cette religion, de se l'approprier. Finalement, ces marabouts, dit-il, ces marabouts noirs, et qui vivaient éloignés de tout centre intellectuel, qui n'avaient pas accès aux livres, qui ont dû étudier dans une langue étrangère, eh bien, ils ont tout de même réussi à s'approprier, ils ont surmonté les obstacles, et de la fosse leur témoigne une certaine admiration. Qui revalorise, dit-il, ce portrait un peu sombre qu'on a de la race noire et de ses facultés intellectuelles, puisqu'ils en sont capables, c'est qu'elles ne sont pas si réduites, dit-il. Alors, tout ce qui ressort des autres ouvrages, donc c'est l'opposition entre un islam noir et un islam arabe, c'est pas le même, disent-ils, et les caractères raciaux influence sur la réception, l'appropriation de l'enseignement musulman. Par exemple, ce que dit Paul Marty. Alors, c'est intéressant parce que ces islamologues, ils sont en général assez. Enfin, un certain nombre d'entre eux sont nés en Afrique du Nord. Par exemple, Paul Marty est né dans un village près d'Alger. Carrière un peu d'autodidacte, puisqu'à 19 ans, il entre comme volontaire chez les Zouaves, puis il devient interprète, donc il fait des études de langue, et il se spécialise sur l'étude des populations musulmanes d'Afrique du Nord. Il publie beaucoup d'ouvrages, l'islam en Mauritanie et au Sénégal, l'islam en Guinée, etc. Donc on est dans les années 1910-1920. Et lui, il insiste beaucoup, comme finalement tous les autres, sur la différence entre un islam noir et un islam arabe. Les races déforment l'islam, dit-il. Et lui, il a une vision un peu plus négative que de la fausse, puisqu'il pense que les mentalités africaines, enfin, du sud du Sahara, sont incapables de comprendre les concepts métaphysiques qui viennent donc de populations de races sémites. Donc la race noire est incapable de véritablement comprendre ces concepts métaphysiques. Voilà donc pour la première caractéristique de donc l'idée que l'islam présente un progrès. La deuxième, c'est qu'il y a après une première période assez optimiste, s'engage très vite une peur de l'islam. Donc ça, c'est au début du XXe siècle. L'agitation nationaliste du côté du Levant inquiète beaucoup. Et l'islam va être perçu comme un danger. Et on va beaucoup insister sur sa nature conspirationniste. Donc, beaucoup d'inquiétudes. Et qui vont générer beaucoup d'enquêtes. Les administrateurs coloniaux, les responsables, par exemple le gouverneur général de l'AOF, Roum, instaure une surveillance accrue des musulmans et notamment des marabouts. C'est lui qui va demander à Robert Arnault un rapport sur l'islam et un véritable manuel de politique musulmane. Arnaud va élaborer et qui va être diffusé au sein des administrateurs coloniaux. Donc, ce sont les confréries qui inquiètent beaucoup. Et on entreprend toute une série d'études pour mieux les connaître. Alors, c'est Ageron qui a beaucoup étudié, l'Algérie, et qui parle d'une véritable obsession, d'un péril confrérique qui connaît une grande mode dans les débuts du XXe siècle. Donc, on a peur d'une insurrection, hein, qui prendrait comme base les mouvements, les idées des mouvements nationalistes de l'Orient. C'est par exemple Gabriel Hanotau, qui est un des premiers historiens de la colonisation française, qui va beaucoup publier des articles là-dessus, présentant ses confréries, s'appuyant sur les études que je viens de présenter, et présentant ça comme un danger, une menace. Ces thèses sont relayées par le parti colonial, notamment par Eugène Étienne, qui est un leader de ce parti colonial, de ce lobby colonial qui se met en place donc au sein du Parlement français. Bon, mais finalement, cette paranoïa va un petit peu retomber. D'une part, parce qu'il y a une partie des études des arabisants qui vont dire que cette vision-là est assez caricaturale et qui vont expliquer que celui qui s'affilie, le musulman qui s'affilie à une confrérie, ce n'est pas seulement un fanatique, mais que c'est surtout pour mieux s'intégrer à la société de l'époque. Donc on explique que les confréries ne sont pas des sociétés secrètes et surtout qu'elles ne sont pas unies entre elles, qu'il n'y a pas une obéissance absolue et passive au grand maître, et en fait qu'elles ne sont pas unies mais qu'elles sont plutôt rivales, déchirées par ces rivalités intestines. Et donc finalement que cette peur que ces confréries se rassemblent, se regroupent et fassent un mouvement de masse qui remettent en cause la domination coloniale et est assez peu fondée, disent-ils. Voilà, donc ce péril confrérique va petit à petit retomber. Mais la peur de l'islam et de l'agitation pan-islamiste reste tout de même assez... assez présente parce que donc domine aussi dans cette vision du monde musulman l'idée d'un fanatisme très profond, très enraciné. Hein, on dénonce l'universel fanatisme des musulmans et on va chercher à l'enrayer. Chercher à l'enrayer et mener une politique qui est déterminé par cette volonté de combattre ce caractère fanatique qui est propre à cette religion. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la politique musulmane de l'époque, peut-être que vous avez l'occasion d'en reparler après avec d'autres intervenants. Je pensais qu'Olivier Lecour en grand maison allait plutôt intervenir là-dessus, mais pas tellement, parce que c'est le fondement de son livre. Bon, donc enrayer ce fanatisme, ça s'est passé, bon, rapidement, c'est passé par d'abord, par exemple, essayer de supprimer l'autorisation des pèlerinages à la Mecque, parce que ça, c'était vécu comme un véritable danger. Les pèlerins allaient revenir encore plus fanatiques d'un pèlerinage. Et donc, dans les années 1880, ils ont été interdits sous d'autres prétextes, sur le prétexte qu'il y avait des épidémies, un risque d'épidémie. Et voilà, je crois que c'est qu'en 1918... que les interdictions vont être complètement levées. L'autre moyen d'enrayer le fanatisme, c'est de supprimer, disent les administrateurs français, les lieux de formation, donc les écoles coraniques. Et ça, ça a été mis en place très tôt, au moment de la conquête en Algérie. Les écoles coraniques vont être fermées. On va s'emparer de leurs biens et même celles qui vont subsister, le grand problème, c'est qu'on leur a perdu. L'État français s'est approprié toutes ces propriétés qui permettaient de vivre et de financer les lieux d'enseignement. Donc c'est un grand moyen, un grand coup porté à l'enseignement musulman et un grand moyen de combattre ce fanatisme. Paul Bert, par exemple, bon, évidemment, c'est présent dès les débuts de la conquête en Algérie, mais c'est encore plus mis en avant par les républicains laïcs. Disent-ils, on ferme les écoles congrégationnistes en France, et pourquoi laisserait-on ces écoles coraniques prospérer en terre coloniale ? Et Paul Bert les présente comme des foyers de fanatisme et donc propose de les fermer. Bon, ça s'est passé aussi par des mesures encore plus violentes, comme la destruction des mosquées aussi, la destruction des cimetières et toutes ces atteintes qui ont été portées dès la conquête. Bon, mais par rapport à l'enseignement, il y a une position un peu plus modérée qui va finalement l'emporter. C'est que certes, ça peut être présenté comme un foyer de fanatisme, et donc d'un lieu de haine contre la France, un lieu où on propage des idées opposées aux valeurs françaises ou à la domination coloniale. Mais on a tout de même, disent les administrateurs français, le gouvernement français, besoin de former un clergé musulman. Et si on ne le fait pas, si on ne le fait pas et si on ne le contrôle pas, ils vont aller se former à l'étranger et ça sera bien pire pour nous. D'où l'idée donc de diriger, de contrôler, de surveiller ces médersas, ces écoles coraniques. Et c'est finalement la politique qui va être mise en place. Bon, le grand moment de cette politique, c'est le gouvernement de Jules Cambon en Algérie, qui va se présenter comme quelqu'un respectueux de la civilisation musulmane et des populations musulmanes, et qui va développer l'enseignement des médersas. Il faut, dit-il, reconstituer une élite musulmane. Nous avons besoin de cadres musulmans, il faut bien les choisir. C'est aussi la politique qui est prônée par Émile Combes, qui va donc faire ce fameux rapport dans les années 1890 sur l'enseignement, et qui va lui aussi défendre le maintien des médersas et bien sûr le contrôle. Voilà, alors pour terminer, un petit mot sur l'enseignement. La politique scolaire, parce que à travers l'école, on voit un peu cerner ces représentations du monde musulman. Alors, bon, l'école, ça a été un sujet de grandes controverses dans la colonie algérienne et dans les deux protectorats. Que faut-il développer des écoles ou pas, et quelle école? Ça a été la grande question. Et donc il y a une première réaction, c'est celle d'une partie des colons qui refusait tout type d'enseignement aux populations musulmanes. L'instruction des musulmans ne sert à rien, disait-il. On les voit aussi mobiliser des arguments racialiste, puisqu'il s'appuie sur une affirmation qui a pris sa source dans les milieux scientifiques, comme quoi la constitution des cerveaux des Arabes les rendait réfractaires à tout enseignement, c'est-à-dire que dans les premières années, tout se passait bien, et puis au moment de la puberté, il y avait, disait-il, un arrêt de développement dans les cerveaux, qui les rendait totalement incapables de poursuivre des études. Et ça, c'est un mythe qui a été très très présent, très souvent mis en avant. Et puis l'autre idée, c'était que pour les colons, c'est qu'on n'avait pas besoin de former ces musulmans, on avait simplement besoin d'ouvriers, et que tout l'encadrement devait être réservé aux colons. Et puis la troisième crainte, c'est le danger que pouvait constituer une instruction pour des populations qui allaient aspirer à autre chose ensuite, donc la formation de déraciner et de déclasser. Et ça, c'est donc une obsession non seulement partagée par les colons les plus extrémistes, mais par l'ensemble, et même par ceux qui défendaient l'idée d'un d'ouvrir des écoles, former des déracinés, des déclassés. La réponse donnée par les enseignants et les partisans d'un système scolaire, c'était de dire on va développer des écoles essentiellement professionnelles pour former des ouvriers, des paysans éclairés et un petit peu des instituteurs, puisqu'il faut aussi les former, et on s'arrête là. Donc il y a un quasi consensus sur cette école qui doit être professionnelle parce que c'est la mieux adaptée à la société musulmane. Voilà, c'est à cette époque où, bon, c'est dans les années 1910, un petit peu avant 1907, qu'on passe aussi, que s'opère un changement dans l'objectif. On ne parle plus d'assimilation, mais on va lancer la politique d'association. Et avec cette idée que ces sociétés musulmanes, elles ne peuvent, en raison principalement de leur religion, elles ne peuvent pas s'assimiler à la nôtre, elles sont trop différentes. Donc il faut garder ces différences, non pas parce qu'elles peuvent avoir un intérêt, non pas parce qu'il y a une valorisation ou un ouvre-regard sur ces sociétés-là, mais parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas se rejoindre. Donc, disent-ils, il faut rester en bon voisin et évoluer en parallèle. Il y a une possibilité qui est accordée à ces sociétés d'évoluer, mais de manière tout de même assez limitée. Voilà. Alors l'école aussi, c'est un moyen pour ceux qui la défendent de lutter contre le fanatisme musulman. Hein, l'école française qu'on ouvre, ces écoles essentiellement primaires, publiques, qu'on va s'efforcer d'ouvrir, eh bien, ça va être le lieu pour lutter contre ce fanatisme musulman, pour transmettre à travers la langue française, eh bien, les valeurs de la civilisation et de la société française. Voilà, et ça, c'est ce type de discours, il est présent même dans les milieux les plus progressistes. Ces républicains progressistes qui défendent ardemment contre les colons les plus extrémistes l'ouverture des écoles. Donc chez ces enseignants, on retrouve aussi ce discours, cette psychologie ethnique qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire les indigènes ont des aptitudes spécifiques. Et on continue à opposer la race arabe et la race berbère, même si les portraits sont plus aussi caricaturaux que ceux que j'ai lus au début, il y a tout de même l'idée qu'il y a deux races spécifiques avec des qualités diverses, pas forcément aussi négatives qu'au départ, mais diverses. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je profite de ma position d'autorité pour poser une question. Il me semble qu'il y a quelque chose de vraiment d'important dans votre exposé qui est en lien direct avec nos propres préoccupations. C'est en quoi le degré de religiosité musulmane était considéré comme un indicateur de race. Est-ce que lorsque vous dites que les anthropologues raciaux ont essayé de comparer des berbères et des arabes, qui ont vu que finalement il n'y a pas trop de différence, donc il y a eu cette volonté de les distinguer du point de vue des caractéristiques psychologiques, est-ce que cette question de la religion était considérée comme une manière de distinguer les races entre elles? Et par exemple, des berbères qui seraient moins musulmans, qui seraient plus athées, qui seraient plus chrétiens, et des arabes qui seraient plus musulmans, plus religieux, etc. Et Okay. Est-ce que cette idée que la religion comme un indicateur de la race, elle est très prégnante pour ce qui concerne les colonisés musulmans, surtout quand on met ça en rapport avec deux situations. Donc la première, c'est celle des Noirs islamisés, comme vous disiez, où, donc, si j'ai bien compris, les analyses d'islamologues de l'époque disaient que la religion avait une influence mineure ou superficielle sur leurs caractéristiques raciales. Donc certes, ça leur permet d'avoir des aptitudes intellectuelles qu'ils n'auraient pas eues auparavant, mais ils restent quand même, ils appartiennent tout de même à la race noire. Et donc cette situation est à comparer aussi avec la situation des Juifs, où là, il y a eu une correspondance totale entre religiosité, ou soi-disant religiosité, appartenance à une religion, et appartenance raciale. Donc c'est... Voilà, quel est le lien qui existe entre religion et race? Est-ce qu'on peut donner une vision globale des choses, ou est-ce qu'il faut fonctionner par population? Oui, non, je crois que c'est c'est bien ça, c'est-à-dire que le degré de religiosité est une caractéristique raciale, c'est-à-dire qu'on est tout à fait dans le schéma, le berbère est moins religieux, l'islam, il a moins, il s'est moins approprié l'islam, il a, ou quand il se l'est approprié, il se l'est, grâce à ses traditions démocratiques, il est finalement, le résultat, c'est un islam beaucoup plus tolérant, moins fanatique que l'islam arabe. Donc il y a bien une opposition là, raciale sur un usage racial du degré de religiosité. Et c'est aussi pour cela qu'on préfère, qu'on se sent plus proche du berbère que du fanatique arabe. Et ben pour les populations noires, ça fonctionne aussi bien aussi, puisque c'est un islam différent. La race a aussi modifié l'appropriation de l'islam. Les traditions animistes sont encore très présentes. L'islam noir est beaucoup moins présenté comme beaucoup moins fanatique que l'islam arabe. Donc oui, je crois que le degré de religiosité ou la manière dont ça s'applique, la religion a été, les populations se sont appropriées la religion est un indicateur de race. Moi, ce qui me frappe dans votre exposé, c'est enfin, il me semble que vous avez beaucoup présenté les choses en appuyant sur le fait que cette génération intellectuelle était raciste, en gros, hein, et qu'elle avait des raisonnements racistes, mais il me semble que ces raisonnements racistes, ils n'étaient pas spécifiques à ces professions intellectuelles à l'époque. Il me semble que cette manière de dresser des portraits de l'Auvergnat ou du Kabyle, c'était ce que tout le monde faisait et ce que tout le monde a toujours fait. Et moi, par contre, ce que j'ai entendu beaucoup dans ce que vous nous avez cité, c'est le fait que c'était des chercheurs qui connaissaient l'islam et qui étaient dans un rapport de filiation à l'islam. J'ai entendu à trois moments, le moment où vous dites, Paul Taupinard, rien que le fait de dire la race arabe a fait son temps, elle a apporté des bienfaits et maintenant elle est dépassée, moi je trouve que rien que ça, c'est une manière de se poser dans un rapport de filiation à l'islam. Il me semble que c'est ça la différence en fait. Il y a d'autres moments, c'est quand vous dites, c'est Maurice de la Fosse qui dit, surpris de la capacité des marabouts noirs à s'approprier l'islam, et un autre anthropologue qui dit, pas du tout, ils ne se sont pas du tout appropriés, c'est pour cette métaphysique qu'ils n'arrivent pas. Moi, je sais pas, ben, ça peut paraître caricatural et raciste de poser cette question-là, mais est-ce qu'aujourd'hui on s'imagine des anthropologues qui iraient discuter qui se sentiraient en position d'autorité pour juger la manière dont une population s'approprie l'islam? Est-ce qu'aujourd'hui on aurait des anthropologues qui seraient capables, qui prendraient cette responsabilité de poser cette question-là? Enfin, je ne crois pas, et moi il me semble que là il y a une grosse différence, quoi, par rapport à la problématique qui nous intéresse. Non? Oui. Donc, la question de filiation, c'est-à-dire dans le sens où il y aurait une bonne appropriation de l'islam, il y aurait une. Au sens où c'est le patrimoine intellectuel commun, quoi. l'islam appartient au patrimoine intellectuel commun. Et ça, c'est, enfin, ça, c'est une chose que Josine Arnia a étudié, c'est le fait qu'à l'époque, on disait, par exemple, les ruines romaines, on disait que c'était des ruines arabes, par exemple. Ça ne nous choquait pas de dire, dans le sud de la France, de dire telle ruine laissée par les morts. Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a une... Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une volonté de connaissance qui est très très claire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une investigation savante, scientifique sur ce terrain-là, qui est une profusion de d'écrits, d'articles, d'ouvrages. On veut mieux connaître ces sociétés-là et il y a pour un certain nombre d'entre eux une certaine fascination aussi, un certain intérêt. Même si il y a une vision tout à fait inégalitaire et hiérarchisante, il y a une fascination pour l'islam, ça, pour la civilisation, pour la période du Moyen Âge, hein. Et ça c'est assez fréquemment rappelé, même dans les discours les plus dévalorisants sur l'islam à leur époque, on rappelle bien volontiers qu'il y a eu une période glorieuse. Mais on parle au passé, voilà. Il y a eu une période glorieuse et maintenant c'est fini, quoi. C'est fini, c'est la décadence, c'est l'arrêt, c'est tout, au mieux l'arrêt, au pire la décadence. Mais c'est pas spécifique à l'analyse de... On disait à peu près la même chose sur les populations asiatiques. Auxquelles on reconnaissait, on était forcé de reconnaître tout de même une certaine richesse qu'elles avaient apporté, des choses au patrimoine de l'humanité, mais que là aussi, les populations asiatiques s'étaient arrêtées ou avaient rétrogradé dans cette marche civilisationnelle. Voilà, donc se crée tout un des revues, la revue musulmane, la revue d'études, non, la revue musulmane, le comité scientifique de l'AOF, les administrateurs, donc les autorités coloniales impulsent ces recherches. Donc ça, c'est indéniable, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mouvement parallèle qui ne marche pas avec la colonisation, mais d'intellectuels qui auraient pris un peu le sens opposé, non ? Est-ce qu'il y a eu... Oui, oui, alors il y a des exemples de conversion, d'adhésion, de fascination qui sont tout à fait. Oui, mais qui sont tout à fait marginales tout de même. Donc on peut en citer quelques-uns. Il y a Émile Masqueret, qui est un personnage assez intéressant. Qui ne s'est pas converti, mais qui a été totalement fasciné et qui a essayé de donner une vision assez différente de celle que j'ai dressée tout à l'heure, en disant que le nomadisme, c'était quelque chose de formidable, que lui, qui avait des racines normandes, donc sédentaires, il se sentait tout à fait nomade et il adorait ce genre de ce style de vie. Il le pratiquait et donc il remettait en cause cette vision héréditaire qu'on vient de pas me rappeler ces notions d'hérédité puisque moi, normand sédentaire par excellence, je me sens un nomade. Voilà, donc il y a eu bien sûr d'autres visions, d'autres parcours, mais... On avait cité aussi la première séance Étienne Dinet qui... a été un de ceux qui ont le plus utilisé le terme islamophobie au début du siècle, qui s'était converti, qui était proche des milieux coloniaux algériens. Donc c'était un peintre qui s'est converti, qui est devenu un peu militant de la cause indigène, entre guillemets, et qui a écrit une biographie sur le prophète de l'islam, et qui va correspondre un peu à ses profils atypiques de personnes qui sont issues du monde colonial, donc en l'occurrence qui étaient très implantées à Alger et qui sont passées de l'autre côté de leur point de vue. Mais à partir toujours d'une critique du discours qui a été produit sur l'islam par le monde colonial. En tout cas par rapport au profil de Dinet, il y a l'idée qu'il y a une contradiction. Qu'il y a une contradiction entre la vision de la République qu'ils se font et ce qu'elle est dans le monde colonial. Et ça va même plus loin pour certains d'entre eux, c'est aussi la question des rapports géopolitiques. Donc il faut s'allier avec le monde musulman pour lutter contre la menace communiste. Donc il y a aussi cette dimension qui favorise un rapprochement entre certains intellectuels et le monde musulman. J'avais vu que Clémenceau, c'était aussi rebellé contre cette notion de race, mais je ne sais pas si c'est intéressé plus particulièrement à l'islam ou pas. Et quand il a dit race supérieure, race inférieure, j'ai entendu les Allemands dire la même chose. C'est un passage qu'on met très souvent en avant pour montrer que le discours n'était pas toujours si caricatural. Mais enfin, Clémenceau, en même temps, il avait une véritable fascination pour les sociétés asiatiques. C'était un passionné d'art chinois et japonais, un collectionneur. Donc il avait une très très grande admiration. Pour l'islam, je ne l'ai pas vu en parler en particulier. Et pour les populations africaines, là, il avait une vision quand même beaucoup plus dépréciative. Hein. Donc, voilà, on peut pas, à partir de cette citation, faire un Clémenceau l'archétype de l'antiraciste républicain. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a eu des visions différentes, mais... Après, il faudrait essayer de quantifier un peu le phénomène, mais je crois qu'elles sont très marginales. Aussi, l'apport de ton travail, c'est de parler de racialisme républicain. Quelque chose dont on a peu conscience aujourd'hui, lorsque, en gros, le terme de race, la notion de racisme, elle est associée à une vie intellectuelle, à une droite conservateur, réactionnaire, etc. Et tout son travail, depuis plusieurs années, illustre la manière dont des républicains, des progressistes, des Dreyfusards, etc., se sont appropriés cette notion de race et que ce n'était pas considéré comme antinomique. C'est un anachronisme de considérer que la notion de race ne peut pas être appropriée par des gens progressistes, des gens qui luttaient contre l'antisémitisme, etc. Et là, je suis quand même frappée parce que j'explore le corpus de ces enseignants qui défendaient donc l'idée de développer une école pour ces populations musulmanes, et on est quand même dans un discours très très dévalorisant par rapport à l'islam, à la volonté de l'école. Il faut la mettre en place, mais pour lutter contre l'islam, quoi. Je trouve pas d'autres visions plus ouvertes. Bon, il y en a quelques-unes comme... c'est moins le respect d'une autre religion, d'une autre approche, que l'intérêt de contrôler les écoles coraniques et qui me semble présent, quoi, le plus présent. Ça va durer jusqu'à la fin de la colonisation, ou il va y avoir quand même un changement? Mais là, je n'ai pas la vision jusqu'à la fin de la colonisation. Hein. Après, il faut s'investir... sur des corpus différents dans les années 40, 50, 60. Donc, je pense que ça va changer quand même. À la période que vous décrivez, est-ce qu'il y a eu une réaction des intellectuels, entre guillemets, d'Afrique du Nord, ne serait-ce que par des correspondances comme celle qu'a eu l'occasion d'établir l'émir Abdelkader, Kéronine Pacha? Est-ce qu'ils ont réagi à cette... ils ont écrit, hein, mais donc on sait que c'est sur ce mode-là qu'ils fonctionnaient avec les Européens, mais est-ce qu'ils ont réagi à cette politique-là? Je ne l'ai pas suffisamment exploré pour pouvoir le dire. Ce que je vois, c'est sur ce domaine sur lequel je travaille, sur la politique scolaire, c'est qu'ils sont très présents, hein, et qu'ils envoient des pétitions, qu'ils écrivent, qu'ils manifestent pour l'ouverture d'école, assez souvent pour l'ouverture d'école. Enfin, bon, il y a plusieurs types de réactions. Il y a ceux qui veulent préserver avant tout l'école coranique, et il y a ceux qui demandent plus d'écoles françaises. Il y a ceux qui demandent des écoles françaises, mais un respect de l'enseignement religieux. Donc, on les voit présents dans le débat, dans ce débat-là. Pas seulement l'école, parce que l'école, bon, en Tunisie, c'est Bidiev qui a beaucoup écrit là-dessus. Il a réagi, ça, j'ai eu l'occasion de le lire. Mais sur la politique musulmane, de manière générale. Sur l'école, il y a des auteurs. Mm-hmm. Bidiev, c'est sûr qu'il a écrit 2 volumes dans lesquels il décrit la nécessité, la mise en place et comment faire avec le colon. Mais, sur le reste, je ne sais pas. Je n'ai pas investi ce genre de... fait ce genre de recherche. Oui. Je voulais savoir, je voulais revenir sur la visée un petit peu politique, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu ça qui sous-tend les discours qui sont tenus par ces personnes qui revendiquaient une méthode scientifique. Est-ce que, par exemple, pour le cas des différences, des distinctions entre berbères et arabes, ça avait un impact au niveau de ces populations? Et donc, ça pose peut-être une question. Est-ce que ces populations avaient accès à ces distinctions, à ces thèses ou pas? Il y a peut-être la différence de la langue d'un côté, mais de l'autre, il y a pas mal de personnes, apparemment, je me souviens de ce que vous avez dit, qui ont étudié ça et qui ont grandi dans ces pays, qui sont nés là-bas. Oui, ça c'est difficile aussi à mesurer pour moi. Non, je ne sais pas, là, je ne saurais pas répondre. Ce que je constate, c'est qu'il y en a qui ont bénéficié des ouvertures de la politique scolaire. Les Berbères ont été privilégiés, donc ils ont bénéficié de cette politique qui s'appuyait sur ce mythe berbère. Mais en dehors de ça, non, je ne sais pas. En tout cas, les Berbères en France, les Kabyles, ont un statut juridique différent des Algériens, notamment à l'accès professionnel. Je ne sais pas si l'un est dans le prolongement de l'autre, ça je vais vérifier. Probablement. Ils ont une administration particulière pour certains accès, notamment l'autorisation d'être chauffeur de taxi, d'accéder à certains... C'est pas juridique. Il peut y avoir ce genre de pratique de cooptation, etc. Mais juridiquement... Ah, il y a un service à la rue des Morillons spécial pour eux. Oui, mais il y a une rupture d'égalité du point de vue juridique. On n'est pas à une rupture près. Hein. Oui, mais il y a une différence entre le droit et l'usage du droit. Non, mais celle-là, je l'enseigne, donc je suis sûr. Moi, il y avait une question. Je passerai après. Okay. Pas de souci. Je vais revenir à ce qui fait la race en relation... Excusez-moi, en fait, c'était madame qui était à côté. Je veux pas créer de tension dans le... On voit bien dans votre discours le passage entre le terme arabe à musulman avec la politique musulmane. Comment vous analysez par rapport encore plus à la littérature ou à ce qui était dit par ce qu'on appelle les anthropologues, ce passage d'orientation entre l'arabe, le berbère, et ensuite on parle du musulman. Comment ça a glissé à la fois au niveau du glissement sémantique, mais l'idée aussi, comme signifie. Et en fond aussi, c'est la guerre du Toto, est-ce que vous avez vu une différence, parce que c'est aussi au mot mahométan, qui était encore présent à la période coloniale, avec la différence qui était faite entre mahométan et musulman. Donc voilà ce lien qui existe entre arabe, mahométan, musulman, dans les textes et dans le passage et le glissement, à la fois sémantique et Le glissement, je pense qu'il y a une telle assimilation de l'arabe au musulman. L'arabe, c'est le musulman, c'est sa religion, c'est sa religion qui le caractérise. Donc le glissement, je crois qu'il se fait, il se fait comme c'est ça. Dans vos lectures, à un moment donné, on parle de l'arabe, et tout d'un coup, ça passe au musulman. Oui. Ou les deux, je pense pas qu'il y ait un passage, il faudrait étudier ça plus près, je pense pas qu'il y ait un passage de l'un à l'autre, c'est plutôt des termes synonymes. Sachant que la synonymie, quelques décennies plus tôt, était différente. Le musulman, c'était l'ottoman, le turc. Donc là, c'est aussi lié à la... le terme mohammedan, c'était John Tolan qui nous avait... Dès la période médiévale qu'il apparaît. Parce que le code civil de la période coloniale fait bien la différence entre mahométan et musulman. Entre le mahométan et le musulman. Le musulman et c'est quoi la différence? Le musulman, c'est l'algérien. le Mahométan, c'est l'approche religieuse. Si vous voulez, je vais vous diffuser je veux bien. Le texte, c'est la base de ma thèse. Vous voyez bien la différence on trouvait des musulmans chrétiens. Oui. Mais le chrétien n'était pas le Mahométan. Donc plutôt avec les berbères, peut-être qu'il y a... Donc la notion de musulman, elle est liée au statut personnel musulman prévu par le droit colonial. Et Mahométan serait plus leur religiosité, le... Mahométan restait insignifiant, c'était accroché au déterminisme à la religion, alors que musulman, du coup, était plutôt utilisant... C'est presque racial. C'était racial. Voilà. C'est pour ça que je me demandais comment Mahométan était un peu dans la lecture... Je ne le vois pas, le terme. Le terme, non. Le musulman, c'est plutôt racial. Et après, petit à petit, on accroche un déterminisme religieux. C'est complexe, quoi. Ça se voit dans les deux sens. À la fois, le fanatisme, c'est une des caractéristiques du racial. Le fanatisme renvoie au religieux, notamment. Et d'autre côté, le racial est une des caractéristiques du religieux. Donc, ça circule dans les deux dans sens. Les deux sens, je vais pas piquer votre place. Désolée pour mon retard, parce que j'ai des soucis de transport. Hein. Donc ma question est liée à la partie de votre intervention que j'ai pu écouter. Je me demandais, en termes de ce qui fait la race en relation avec la religion et en relation avec ce qu'il a défait éventuellement, les travaux de Trio, d'Adriana Piga, d'Osman Khan par rapport à Tijani ont montré qu'au fond, l'engagement dans des confréries permet à la fois un référentiel de résistance, mais aussi de défiance, d'agir. Voilà, c'est un autre contexte, c'est l'Afrique subsaharienne, ce sont encore d'autres musulmans qui sont noirs en l'occurrence. Mais évidemment, ces musulmans-là ont été racisés. Est-ce que ces travaux-là ne montrent pas comment, en revanche, à un moment donné, la racisation a pu être accompagnée d'autres processus qui ont pu peut-être atténuer la racisation au profit d'autres processus ? Est-ce que dans vos travaux, dans vos recherches, vous avez trouvé des moments où cette catégorisation où le fanatisme est associé à la construction de la race disparaît au profit d'autres processus ? D'autres processus de quel type ? Qui serait de stigmatisation, d'autres processus pouvant légitimer l'exploitation, pouvant légitimer la tentative de faire taire des populations qui sont soumises et qui, au bout d'un moment, meurent. Ou est-ce que il y a un rouleau compresseur qui est la racisation et qui prend au pied sur un référentiel religieux qui est aussi le référentiel de l'ennemi, du colonisé. Mm-hmm. Oui, non, je ne vois pas d'autres processus que cela. Il faudrait d'autres investigations. Deuxième question, vous avez mentionné ce cerveau des adolescents de la période de Werther. Du musulman qui serait aussi l'arabe. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait penser, comment pourrait se positionner à l'égard de ces enfants de convertis en Algérie, qui seraient donc pas biologiquement arabes, mais qui seraient juste des enfants de musulmans. Est-ce que, au fond, ces logiques médicales qui s'appliquaient sur les enfants d'arabes musulmans, à l'époque-là, dans le sens commun, pouvaient s'appliquer également sur des enfants convertis. Au fond, est-ce qu'il y avait une logique qui était proprement attachée au corps, en somatobiologique, ou est-ce que ça allait au-delà ? Et ça allait dans le sens de la religion ? Oui, non, je vois pas, j'ai rien vu passer sur les convertis. Hein. C'est une caractéristique qui est présentée comme raciale, vraiment. Ça fonctionne bien dans les écoles jusqu'à la puberté, et à la puberté, ça ne va plus, quoi. Et c'était d'abord davantage des psychologues qui soumis cette thèse-là Non, ce n'est pas des psychologues à l'époque, parce que c'est une affirmation que je vois présente dans des milieux très divers, et j'en ai pas fait l'historique complet, mais ça a l'air d'être très ancien, quoi. Ça s'appuie, ça vient, des directeurs d'école ont constaté que ça fonctionnait comme ça, on donne des exemples, un tel directeur a témoigné que ça se passait bien comme ça dans son école. Donc c'est un espèce de sens commun, là, une espèce d'opinion qui est très largement partagée, et de temps en temps elle est questionnée, elle est remise en question. Par exemple, Combes, donc c'est en 1892, va dire il faut arrêter ces bêtises, c'est pas fondé du tout. mais 10 ans, 20 ans plus tard, ça continue à figurer dans des études chez des personnes tout à fait progressistes. Donc il y a une résistance à ce mythe. Alors certains, en plus les usages sont assez variés, il y a les colons extrémistes qui disent « vous voyez bien, on ne peut rien faire avec eux, c'est pas la peine ». C'est pas la peine de faire un enseignement, ou alors il faut faire, si on fait un enseignement, c'est un enseignement encore plus professionnel. Et puis les républicains qui veulent développer ces écoles publiques, eux disent de toute façon c'est pas un problème, c'est arrêt de développement, puisque nous les écoles qu'on développe c'est des écoles primaires, donc c'est à l'époque où les capacités d'apprentissage fonctionnent bien. Et comme après, on ne veut pas développer d'enseignement secondaire et encore moins supérieur, voilà, ce n'est pas un obstacle au développement des écoles. Moi, j'ai plusieurs réactions et puis des questions. Première question, enfin, première série de questions, c'est est-ce que dans vos lectures des textes de l'époque, il y a une différence dans ce qui peut être dit du musulman ou de l'arabe au masculin et au féminin ? Première question. La deuxième, c'est, elle a été abordée, mais on a le sentiment que, au fond, ces questions-là sont débattues que dans une perspective utilitariste. C'est-à-dire qu'on est dans une période coloniale, c'est l'administration coloniale, et se pose la question de l'islam, de son utilité, de son danger, mais dans l'intérêt de la gestion coloniale. Donc, c'est pour rebondir à vos remarques. Est-ce qu'il y a un intérêt désintéressé? Qui peut s'exprimer à l'époque, d'un point de vue scientifique, je parle, vu que c'est le sujet dont on parle. Une réaction également, on n'est pas loin de l'Empire ottoman, et est-ce qu'il y a des interactions entre la question ottomane et la question indigène? On a l'impression qu'il y a une vraie déconnexion dans ce qui est dit du musulman, de l'arabe, en tout cas de l'arabe et du musulman, par rapport à ce qui peut se passer en Europe avec un empire ottoman en déliquescence, mais un empire ottoman qui a une importance politique quand même assez majeure. Et puis, juste une remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est... deux remarques. La première, c'est sur la question de la lecture... raciale et du déterminisme naturaliste. À la même époque, la criminologie était une criminologie raciale aussi et qui pointait moins la question de la race au niveau du déterminisme qu'un déterminisme psychologique, psychomorphologique au niveau du thème du criminel né, par exemple. En France, avec des Français, il y avait aussi des mesures anthropométriques des criminels. Voilà. Avec une théorie qui naissait de cette... Voilà. C'était quand même quelque chose d'assez paradigmatique, d'assez dominant à l'époque. Et deuxième remarque, mais c'est juste comme ça, c'est assez frappant de voir comment l'islam confrérique a pu passer à l'époque coloniale de menace, l'islam menaçant, à aujourd'hui à l'islam rassurant. Quoi. En tout cas, l'islam confrérique qui peut être mis en avant dans la sphère médiatique à travers quelques artistes, quelques chefs religieux. Oui, alors sur le féminin masculin, bien sûr, il y a la vision générale d'une religion qui opprime la femme, et la mission des Français, c'est bien sûr de la libérer de cette oppression et de la libérer à l'image de la libération de la femme française de la Troisième République. Donc ça, c'est une évidence qui n'est pas à discuter, qui est omniprésente de partout, quoi. Donc en même temps, il y a toujours la vision utilitariste, c'est sur la femme. Oui, pardon. En prolongement de la question, par rapport à la sexualité des musulmans, est-ce que vous avez trouvé des éléments en lien à la question de la sexualité, la question du harem, à la question de la polygamie, etc., qui ne serait pas vu uniquement du point de vue de l'oppression des femmes? Non, dans ce corpus-là, non, j'ai rien vu de très... Non, j'ai rien vu à ce propos-là. Ce que je vois, donc, la femme, c'est que... La vision de la femme, c'est qu'elle est opprimée. Les Français vont... On est dans un schéma très, très manichéen. Les Français arrivent, ils vont bien sûr la libérer. Mais en même temps, Donc la vision utilitariste, c'est on va s'appuyer sur la femme parce que la femme, elle a du pouvoir sur l'éducation des enfants et même sur son mari. Donc c'est par la femme qu'on va enrayer le fanatisme, enrayer tous ces dangers, ces périls musulmans. Donc la femme, il faut l'éduquer. Ça aussi, c'est un consensus. C'est un consensus, il faut l'éduquer. Mais malheureusement, on est dans l'incapacité de le faire. C'est-à-dire que les administrateurs ont été confrontés à la question budgétaire. Ceux qui, donc, ce mouvement assez important, partisan de créer des écoles publiques, n'avaient pas les ressources budgétaires pour développer un enseignement significatif. C'était du saupoudrage et on se rendait bien compte que ça ne faisait pas avancer l'œuvre civilisatrice de la France. Donc comment faire pour réussir tout de même cet objectif de civiliser, d'apporter les valeurs françaises? Et finalement la solution, ça a été de sacrifier la femme musulmane, quoi. Pour l'instant on ne peut pas, c'est clair, c'est par elle que ça passera, mais pour l'instant on n'y arrive pas. Donc on a volontairement donc laissé de côté la création d'écoles, en s'appuyant sur le fait que les populations étaient jugées peu favorables. Donc comme c'était déjà, disait-il, pas facile d'amener dans ces écoles françaises les musulmans qui préféraient les écoles coraniques, on n'allait pas encore heurter les pères de famille ou les responsables religieux en mettant en avant la volonté de scolariser les filles. Donc ça a été totalement mis de côté avec une espèce de discours très ambivalent. C'est par la femme que ça va passer, mais on ne fait rien, quoi. On ne peut rien faire. Juste un petit complément, excusez-moi, une petite question pour combler mon ignorance là-dessus. En dehors des écoles coraniques, avant la période coloniale, il y avait des alternatives? Donc il y a eu la période des écoles arabes françaises. Donc ça, c'était avant la Troisième République, c'était dès la conquête de 1830, il y a eu deux types d'écoles qui se sont créées. D'abord des écoles pour les quelques colons français qui se trouvaient déjà là, donc des missionnaires, des religieuses qui ont commencé à ouvrir des petits centres d'enseignement pour ne pas laisser ces enfants de colons sans école, sans enseignement. Et puis il y a eu le grand projet des écoles arabes françaises, donc qui sont nées, si je me souviens bien, c'est sous la Seconde République, que Napoléon III va essayer de développer, et qui vont être complètement supprimées par la Troisième République, qui a préféré donc des écoles publiques, enfin des écoles françaises, où on enseignait avant tout la langue française, puisque c'est toujours une vision très utilitariste. L'école devait avant tout enseigner la langue française pour qu'on puisse communiquer avec les populations, qu'on puisse travailler ensemble. Pour travailler ensemble, il faut pouvoir communiquer. Et puis en même temps, la langue, c'était aussi le moyen de transmettre les valeurs françaises et puis surtout l'amour de la France, et de célébrer les bienfaits de la colonisation et de la domination coloniale pour ces régions, sur ces régions. Donc ces écoles arabes françaises, c'est une période assez courte, mais elles ont essayé de concilier un enseignement français et un enseignement en langue arabe, avec un enseignement aussi religieux qui trouvait sa place. Vous parlez que d'Algérie. Oui. Et après, on les voit plus, ce que j'ai parlé, c'est remplacé par les écoles coraniques. Oui, enfin, les écoles coraniques, elles existaient déjà en parallèle. Elles ont été beaucoup maltraitées et beaucoup supprimées, mais on en a. Les écoles coraniques, c'était à partir de. Les idées de départ. Ah oui, avant la colonisation. Chaque mosquée avait son école coranique. Voilà, oui. Medelsa. Oui, j'avais une question. Qui essaie de montrer qu'au XIXe siècle, les historiens qui ont à un moment donné, parce que c'est vrai qu'elle est, en fait, elle est restée. Par exemple, Vincent Monteil en fait le titre de son ouvrage, et par exemple, Bakary Sand, donc, qui essaie de déconstruire cette notion, est très critique vis-à-vis de cela. Mais est-ce que, en fait, historiquement, cette notion, elle apparaît à un moment donné, de la part de qui? Parce que moi, j'ai un petit peu travaillé sur des sources du ministère des Affaires étrangères, donc pas des sources rédigées par des intellectuels, des anthropologues, mais des administrateurs consulaires. Et eux, pour définir des populations musulmanes, eux, ils ne disent pas islamisées, mais musulmanes, donc 1820-1840, c'est la période, en fait, des sources que j'ai un petit peu étudiées concernant le Brésil. Donc, eux, ils utilisent des termes plutôt ethniques, et Aoussas, ou il y en a d'autres, et ils opposent, ils attribuent aux déportés africains musulmans des caractéristiques menaçantes qui sont plus dangereux que les déportés africains animistes ou christianisés. Donc il y a une sorte de racialisation qui s'opère, mais différemment en fait du territoire que vous étudiez. Et donc, moi je serais intéressée de savoir comment cette notion d'islam noir apparaît dans vos sources. Est-ce qu'on ne peut pas la mettre en relation avec la hiérarchisation raciale qui se met au niveau administratif et qui apparaît en fait au sortir de la Première Guerre mondiale, la catégorie administrative A, B ou C, avec l'Afrique subsaharienne, entre guillemets noire, en bas de l'échelle. Et j'avais une autre question, mais je me souviens. Oui, alors sur l'islam noir, moi je le vois apparaître au Sénégal, donc quand l'occupation française devient vraiment effective, avec Feder dans les années 1850. Je pense que c'est déjà présent dans les premiers écrits de Feder. Et puis surtout, c'est le grand moment, c'est dans les années, les premières décennies du XXe siècle, où se créent donc ces instituts dont j'ai parlé, le comité d'études historiques et scientifiques de l'AOF, qui a pour ambition de développer les études savantes, scientifiques sur le territoire. Et c'est dans ce comité qui impulse un petit peu toutes ces études dont j'ai cité une partie, notamment celle de Maurice de La Fosse. Donc le grand moment pour moi, c'est ces années-là, parce qu'on voit se multiplier des livres, des articles, et avec une... Donc je ne suis pas rentrée dans les détails, mais avec une connaissance, oui, assez fine des différentes populations, soit leur conversion à l'islam, soit celles qui sont restées animistes. On essaye de les identifier, donc on arrive à des populations assez, assez précises, quoi. C'est parce que De La Fosse, pour prendre son exemple, c'est un administrateur qui est dans une région, et les autres font pareil, ils vont étudier chacun leur population. Donc on a des études assez, assez fines, et avec des questions: est-ce que ceux-là sont vraiment islamisés? Est-ce que c'est l'animisme qui l'emporte? De La Fosse se pose la question: est-ce que ce sont les populations noires les plus intelligentes qui adhèrent à l'islam ou pas? C'est pas dit tout à fait comme ça, mais presque. Et finalement, il en conclut que non, il n'y a pas de relation. C'est pas les populations les plus intelligentes qui vont forcément adopter l'islam, qui est présenté comme un progrès. Donc on a des études assez fines sur les populations de la part des administrateurs coloniaux, puisqu'ils étaient responsables d'un petit cercle, et ils vont étudier d'assez près leur population. Sinon sur l'histoire du... de l'importance de... Moi j'ai utilisé le terme de paradigme racial hein, pour montrer que sous cette Troisième République, il y avait non seulement cette communauté scientifique qui se... cette nouvelle science qui émergeait, qui apparaissait, qui s'institutionnalisait en lien avec les élites républicaines. Donc j'ai montré que c'était des réseaux tout à fait communs. Enfin, les mêmes réseaux, ces raciologues sont des républicains, parfois ce sont des militants politiques. Les élites républicaines soutiennent, financent cette science, donc il y a vraiment une osmose. Et la réception de ce paradigme dans les autres sciences humaines ou les autres sciences sociales, elle m'a paru assez intéressante. Et Seignobo, c'est un personnage vraiment emblématique parce que c'est un historien qu'on présente comme le fondateur de cette école historique positiviste qui entreprend de fonder les bases d'une méthode historique avec non plus l'histoire littéraire des romantiques, mais avec des méthodes, des analyses, des outils pour analyser les phénomènes historiques et les expliquer. Et Seignobos est très très admiratif face à l'anthropologie. Il reconnaît l'anthropologie comme une science tout à fait légitime. Et jusqu'en 1933, là j'en parle dans mon dernier livre, en 1933, dans Petite histoire de la... Non, Histoire sincère du peuple français, il réserve plusieurs pages à l'anthropologie, à ses enseignements, à ce qu'elle apporte pour à l'histoire de la France, notamment donc dans ses périodes les plus lointaines, et à tout ce qu'elle pourra ensuite apporter, parce que c'est une science qui a de l'avenir, qui est en plein développement, et on est en 1933. Quoi. Ça me fait penser, je rebondis, parce que ça fait un moment que je pense au livre de Jeanne Fabre Saada sur le christianisme et ses juifs, qui couvre la période 1800-2000. Et qui pose bien cette question de comment se construit le discours racialiste dans des contextes où, en fait, il y a aussi des questions religieuses derrière, c'est la question de l'émancipation des Juifs d'Europe qui se pose à partir de la Révolution française et qui se pose pendant tous les deux siècles, jusqu'au Troisième Reich, je crois. Et ce qui est frappant dans ce livre aussi, c'est qu'il couvre un angle mort. Enfin, on veut pas, enfin, sur la question de l'antisémitisme, on veut pas poser cette question des rapports avec le christianisme. Enfin, c'est une question qui est très très tabou, quoi. Et on dit toujours non, ça, l'antisémitisme, c'est une idéologie raciale, et on sépare systématiquement l'enjeu religieux, l'enjeu scientifique. Et en fait, c'est ce que montre bien Fabre Saada, c'est que ça, c'est trop facile, quoi. Et je crois que c'est comme ça, c'est une question sur laquelle il y a des gros trous qui nous empêchent de voir la question dans son ensemble, quoi. Mais parce que c'est une question, vous avez bien dit, des questions des laïcars qui ont une position différente par rapport à l'enseignement, etc. On voit bien qu'il y a des clivages pour tout le 19e siècle qui sont toujours les mêmes, enfin, qui des questions. Qui se posent dans d'autres contextes. Si on prend l'exemple des écoles, il peut faire un parallèle avec un travail que j'ai fait sur la question des naturalisations. C'est-à-dire il y avait une volonté à la fin du 19e et jusque dans les années 30 de lutter contre ce qu'on appelait une nation dans la nation. Donc à l'époque, c'était pas des musulmans, c'était pas une migration africaine ou subsaharienne, c'était des Italiens, des Polonais, etc. Et notamment tous les conflits qui ont eu lieu dans les années 1880 entre travailleurs italiens et travailleurs français, notamment à Marseille. C'est la fameuse affaire des vêpres marseillaises de 1881. C'était perçu comme une lutte des races, comme une manière, c'était à la limite un phénomène naturel. À partir du moment où une population atteint un certain nombre, il devient naturel, c'est pratiquement un phénomène démographique, politico-démographique qui doit se passer, faire ce genre de choses, se produire ce genre de conflit, bon, violent, avec des morts, avec des conflits assez ouverts, etc. Et parmi, dans cette idée de lutter contre les nations dans la nation, la dimension scolaire et religieuse, elle est très importante. Parce qu'il y avait cette idée de, il faut empêcher que les prêtres catholiques italiens aient une emprise sur l'immigration italienne dans le sud de la France. Il faut empêcher que aussi des curés polonais dans l'est de la France aussi exercent une influence. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a la religion, en l'occurrence catholique, italienne, etc., c'est une idéologie avec une institution. Et la France, c'est une république, une institution avec une idéologie républicaine, avec la langue, qui est le véhicule de l'idéologie républicaine. Et cette idée-là, de la langue française comme le véhicule de l'idéologie républicaine, on la retrouve dans les colonies, comme ce que vous disiez, sur le fait qu'une manière de lutter contre le fanatisme, puisque le fanatisme, ça veut dire, il me semble, déloyauté, ou manque de loyauté envers l'État. Lutter contre ce fanatisme qui est synonyme de déloyauté passe par l'apprentissage de la langue, l'imposition d'une hégémonie culturelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est cohérent. Enfin, le projet de maintien d'une unité territoriale, l'idée de maintien d'une hégémonie républicaine, elle s'applique à des territoires très différents, coloniaux et métropolitains, et des religions même différentes. Si on prend le cas des prêtres italiens et des soufis, pas forcément des soufis, des confréries musulmanes, en termes religieux, beaucoup de choses les opposent, etc., etc. Donc c'est finalement pas... Enfin c'est pas tant la religion en tant que telle, mais la religion en tant que facteur de déloyauté. Manque de loyalisme, manque de loyauté. Oui, oui, la question s'est posée de manière très similaire dans les colonies algériennes et les protectorats tunisiens et marocains, puisque ces populations italiennes, elles étaient là aussi. Et qu'est-ce qu'on allait en faire? Est-ce qu'on allait laisser se développer une nation dans la nation, ou est-ce qu'il fallait tout de suite les franciser, c'est-à-dire les intégrer vite dans nos écoles et puis les franciser de manière juridique, c'est-à-dire avec la loi de 1889, en faire des Français, quoi. Donc ça a été une politique très vite mise en place et justifiée par des considérations. On appartient à la même race latine, donc on va se fondre, elles vont se fondre, s'assimiler très facilement, quoi. Alors qu'évidemment le problème s'est posé de manière totalement différente avec des populations autochtones jugées d'une race éloignée, différente, d'une religion différente. Oui. Voilà, moi j'ai pas lu votre livre et c'est juste une question comme ça. Comme on l'a dit, à cette époque, toute la société est empreinte de cette vision du monde raciale. Et je me dis, pourquoi c'est pas plutôt le paradigme raciste de la Troisième République plutôt que racial que vous étudiez, que vous essayez de montrer? Oui, alors après, la terminologie, ça peut se... C'est un peu différent. Ça peut se discuter. Bon, moi, mon choix, c'est de dire que le terme de raciste, il est anachronique. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'usage, il n'est pas utilisé à l'époque. Donc, je préfère utiliser les termes de pensée inégalitaire, de pensée hiérarchisante, plutôt que de raciste, parce que ça, d'une part, c'est un concept, une notion qui est issue de la décolonisation, le racisme, hein, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Donc, c'est, à mon avis, c'est pas transposable, c'est pas un outil utile à la compréhension de la société de la Troisième République. Ce qui n'empêche pas de dire que la pensée était inégalitaire et hiérarchisante. Et en plus, je trouve que ça prête à confusion, parce que quand l'antiracisme apparaît, que les premiers écrits, le terme est utilisé, c'est dans les années 20, et ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Hein, c'est pour qualifier la politique des nazis. Et les racistes, ce sont les nazis, c'est-à-dire ceux qui disent que à l'intérieur de la race blanche, il y a une hiérarchie, c'est la supériorité de la race aryenne, ce qui est totalement révolutionnaire, parce que jusqu'à maintenant, les raciologues disaient, au sein de la race blanche, il n'y a pas de hiérarchie, la hiérarchie, elle est entre les races, les trois grandes races. Et les racistes, donc, ce sont ceux qui, mettent une hiérarchie à l'intérieur de la race blanche et ceux qui sont antisémites. Et par contre, ce n'est pas du tout ceux qui professent une inégalité, une hiérarchie entre les races noires et blanches. Donc, ce qui fait qu'on avait des choses assez intéressantes, quoi, comme des militants antiracistes, comme le plus emblématique, c'est celui de l'exemple de Jacques Millot, qui faisait partie donc, de ce courant. Il y a une revue qui s'est créée dans les années 20, dans les années 30, pour combattre les doctrines racistes d'Hitler, qui s'appelait Racisme antiracisme, et qui entendait réfuter scientifiquement l'absurdité des thèses nazies. Et ce Jacques Millot, qui est devenu un militant antiraciste, qui a écrit dans cette revue, il enseignait au sein de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris, où il continuait à dire que le cerveau des populations noires était inférieur en taille que le cerveau des populations blanches, que les tests psychologiques menés aux États-Unis montrait qu'il y avait une infériorité intellectuelle des populations noires par rapport aux populations blanches, de l'ordre de 20%. Enfin, il y avait toute une argumentation scientifique montrant l'infériorité ou le différentiel, un fort différentialisme entre les blancs et les noirs. Donc voilà, c'était ça les paradoxes de l'antiracisme des années 20. Donc si on utilise le terme raciste pour l'appliquer à la société de la Troisième République, je pense que ça prêterait totalement à la confusion. Qui est antiraciste, Jacques Millot ou les quelques rares qui contestaient la hiérarchie entre les races de couleur, quoi. Donc, Oui. Ouais, j'ai aussi pensé en vous écoutant à Emmanuel Todd en ce moment. Ce que dit Emmanuel Todd, enfin, pour dire que finalement, avec cette manière de faire des idéotypes en fait, régionaux, on peut dire beaucoup de choses très différentes à partir de cette manière de traiter la diversité ou d'essayer de mettre de l'ordre dans les questions. Et enfin, voilà, aujourd'hui, Emmanuel Todd, ça lui sert à dire on est embarqué dans un projet, à travailler contre le traité européen, quoi, travailler contre l'euro. Finalement, c'est aussi une forme d'essentialisme de dire les Allemands ont une structure familiale. Comme ça, et les Français, c'est ça, de l'âme à l'âme. J'avais une remarque aussi par rapport à la position des Arabes et musulmans dans la hiérarchie des races. Est-ce qu'ils font partie des Blancs ? Ils font pas partie des Noirs, je suppose ? Ils font pas partie des Jaunes ? Où est-ce qu'ils sont dans la hiérarchie ? Est-ce qu'ils sont dans la même position que les Juifs, qui sont dans la race blanche, mais dans une position inférieure ? Comment est-ce que les raciologues ont pensé cette hiérarchie ? Dans quelle position ils sont ? Oui, alors il faut faire attention de qui on parle. Bon, donc pour les républicains, donc c'est cette science des races qui s'est institutionnalisée, qui avait des forts fondements républicains, même s'il y avait aussi d'autres représentants qui n'étaient pas forcément emblématiques de la République, comme Armand de Quatrefages. Ce qui s'est dégagé à l'époque, c'est que au sein des grandes races, il y avait une diversité, et au sein de la race blanche, il y avait une diversité entre la race nordique, la race alpine, la race méditerranéenne, les sémites, et il y a une hiérarchie qui est mise en place, donc il y a un refus de la hiérarchie, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les races européennes, pas d'hiérarchie entre les races européennes, par contre, il y a une hiérarchie entre les races arabes et le reste des races blanches. Par contre, il n'y a pas d'antisémitisme. Donc, c'est... Oui. C'est le rameau, c'est le grand rameau de la race blanche. Donc, et qui s'occupe. La différence qui est faite directement entre le sémite et l'arabe et le sémite, c'est un rameau commun qui s'est différencié à un moment donné. Et donc c'est intéressant de voir comment les juifs... Pas tous les arabes. Oui, ça aboutit, ce rameau commun, il aboutit aux populations juives de la société du 19e siècle et aux populations arabes. Hein, donc il y a moi j'ai en tête des images, des catégories, et il y a les sémites, et il y a les juifs, et les arabes qui sont... On voit les femmes qui sont séparées, voilà. Oui. Non, qui sont dans la même catégorie. Qui sont... on fait la distinction entre la juive qui porte, enfin, c'est un peu habillé pareil, hein, même manière, mais j'ai. En fait, ça sert à rien ce que je vous dis parce que j'ai pas en tête d'où vient cette image-là, mais j'ai en tête ça. Il y a dû y avoir plusieurs catégories. Après, il y a le problème, c'est que enfin, les juifs n'étaient pas considérés comme une catégorie raciale. Chez les républicains, parce que chez les autres, c'était différent. Et après, dans les années 30, ça a changé. Mais pour l'époque, ces raciologues républicains, il n'y a pas de race juive. C'est-à-dire que les juifs, c'est une religion dont l'origine raciale est diverse. Il y a un rameau européen, les juifs d'européens, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas la même race que les juifs du Maghreb. Même si tout le monde fait partie de la race blanche, il y a eu une différenciation dans différents sous. Certains utilisent le terme de sous-race, ou de race, ou de rameau, ou de population. Donc, bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'hierarchie entre le rameau juif européen. Ce sont les bourgeois de la Troisième République, hein. C'est le même milieu social. Les Rothschild sont là, présents au sein de la société d'anthropologie, donc il y a le même milieu social et politique. Et par contre, il y a une hiérarchie qui s'est établie au sein de cette race arabe qui est considérée donc une race blanche, mais en bas de l'échelle de la race blanche, quoi. Donc supérieure à la race noire, et ça c'est éclatant, c'est toujours, on l'a bien vu tout à l'heure, quoi, l'islam arabe est de meilleur, enfin, il est fanatique certes, mais c'est un islam un peu plus intellectuel que l'islam des Noirs, etc. Donc il y a cette grande barrière entre la race blanche et la race noire. D'autres questions? Donc, je vous remercie. Oui. Oui, non, c'est pas moi qui les juge progressistes, c'est, comment dire, là, dans le panorama, le milieu politique de l'époque, c'est une catégorie de républicains, c'est-à-dire ça correspond en gros aux radicaux ou aux opportunistes les plus proches des radicaux ou aux républicains socialisants, hein, donc c'est pas un jugement que je porte, je ne les qualifie pas de progressistes, ça correspond à une identification du milieu politique de l'époque. Donc voilà, c'est les radicaux socialistes, et essentiellement. Bon, et puis cette nébuleuse entre la gauche de l'opportunisme, les radicaux, et la droite des socialistes peut-être, ou quelque chose comme ça, quoi. La prochaine séance aura lieu le 1er février. Donc on recevra Olivier Lecourt de Ramaison sur le thème « Immigration et islam, représentation et stigmatisation, 1920-1950 ». Je vous remercie.